clair, obscur. Les musiques sont sur Rage. For Christmas, une maîtresse pour Noël. Une dame en cuir noir qui me fait lécher ses cuissards d'une cravache à la main en me disant vilain. Voilà ce que m'évoque la voix de Marilyn tous les mercredis soirs dans Labo Rock quand on enquille après elle à 22h pour reprendre le flambeau de la soirée rock sur Rage. Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres. Avec ce soir, une playlist qui sent le sapin puisque Noël s'étiole tout doucement dans la trêve des confiseurs en compagnie de moi-même, votre lutin préféré Stéphane, ainsi que ma collègue dont je ne sais pas si c'est plutôt la fille du Père Noël ou la sœur du Père Fouettard, toujours est-il que c'est Nathalie. Bonsoir à tous mes petits corbeaux, ravi de vous voir, joyeux Noël, ravi de vous savoir avec nous ce soir dans Clair Obscur. Vous aurez compris, Stéphane nous dévoile ce soir ses fantasmes les plus sombres. Il fallait que ça tombe sur Marilyn. En attendant, on sait tout de Stéphane. Si, comme nous, la période des fêtes avec son cortège d'obscénités marchandes vous agace, on vous propose de rajouter des guirlandes d'intestins à votre sapin en vous joignant à nous pour dépecer le Père Noël. Bon, il est déjà parti, mais c'est pas grave. Ça lui donnera une leçon à ce vieux pervers, ex-mascotte d'une boisson à bulles qu'on ne citera pas. Et pour une fois, son costume sera rouge sang. Hein. Le sang, c'est la couleur de la violence, c'est la couleur des Indiens. Hein. Et pour commencer, cette playlist spéciale Noël, c'était un morceau d'un fameux groupe australien, Mistress for Christmas. C'est preuve de ton goût pour les jeux sexuels décadents. Nat, c'est toi qui nous ramenais ça. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous aurez reconnu le morceau d'AC/DC, Mistress for Christmas, de l'album Razor Edge. Le rouge, c'est la violence, disais-je, et je vous propose de continuer dans cet ordre d'idées, chers amis, avec un peu de psychobilly, les vaudevilles, c'est avec le titre I Shot My Baby for Christmas. Everybody gather round, fire's burning bright. Story that I tell from hill about a Christmas night. Well, she said this year was special. Une musique rockabilly, des paroles de psychopathe et ça donne du psychobilly. À l'instant, c'était The Vaudevilles avec le titre I Shot My Baby for Christmas. C'est tiré d'une compilation qui s'appelle Psychobilly Christmas, c'est pas très original, mais c'est un peu dans la ligne de cette tradition anglo-saxonne de sortir des albums de Noël, de reprendre des cantiques, tout ça. Coutume à laquelle sacrifient aussi les groupes de punk, hein, je pense à une compilation du même calibre qui s'appelle A Santa Claus au lieu de Santa Claus, et au morceau qu'on vous avait ramené l'an dernier d'Alice Cooper qui était tiré d'une compilation Metal for Christmas. Donc vous avez de quoi vous faire plaisir entre la nécessité commerciale de vendre des albums et cette jolie tradition de reprendre des cantiques. À la période de la trêve des confesseurs, il y a toujours de quoi se faire plaisir en musique, chers amis. Xmas, cantique de Noël, période de la nativité, tout ça fait partie de la culture non seulement anglo-saxonne, mais plus largement européenne pour des raisons culturelles évidentes. Et pourtant, Dieu sait, si j'ose dire, que l'on ne fête pas Noël comme on le fait aujourd'hui depuis longtemps. Je pense à Saint-Nicolas en Alsace notamment, et la fée Befana en Italie, etc. Et à l'origine, l'Église a mis bien du temps à imposer la célébration de la naissance de Jésus face aux différents cultes qui avaient du succès dans l'Empire romain à l'époque. Alors, il y a eu Mitra, il y a eu Sol Invictus, j'aurai l'occasion d'y revenir, il y avait les Saturnales. Et moi, qui ne vous ai jamais caché, les amis, mon dégoût pour ces religions monothéistes chiantes, j'avais envie de faire un clin d'œil envers les origines des fêtes du solstice d'hiver avec une divinité qui était célébrée il y a 2000 ans, la déesse Ishtar. La déesse Ishtar, qui était non seulement le nom de cette déesse rayonnante et plantureuse, mais aussi une formation qui est aussi le nom d'une formation heavy metal que j'aime bien, un groupe de nanas, elles aussi plantureuses et rayonnantes, qui nous vient d'Auckland. Je vous en avais déjà parlé à l'occasion d'une émission spéciale Australie et Nouvelle-Zélande qu'on avait fait il y a quelques temps. Ce soir, je vous propose un titre qui me fait penser à ce que Marie a dû éprouver quand elle était enceinte de Jésus et qu'elle avait un alien dans le ventre, The Enemy Within. Aussi traduire par un polichinelle dans le tiroir. La parole au directeur du centre commercial d'Atlanta. Qui dit crèche dit Noël, et qui dit Noël dit très gros bénéfice. Pas besoin d'être une lumière pour le savoir. Est-ce que tu crois qu'on peut rendre les jours de fête encore plus vulgaires? J'espère bien. Quoi? Ben oui, plus on les avilie et moins on a de raisons de les célébrer. Ça veut dire moins de raisons pour ma famille de se réunir jusqu'à ce qu'un beau jour je me retrouve enfin seule pour Noël avec un plateau télé. Parfois, je me demande si tu n'es pas trop cynique, même pour moi. Oh, vraiment? Tu crois? Non, j'essayais seulement d'être sarcastique. Satan! Et oui, on a beau être à la période de Noël, on n'en perd pas nos priorités tout de même. Gloire à Satan, mes petits corbeaux, à l'instant c'était un jingle tiré d'un épisode de South Park, un épisode dans lequel Cartman raconte son conte de Noël qu'il a écrit pour l'occasion des fêtes de fin d'année, dans lequel des animaux se réunissent au cœur de la forêt pour sacrifier certains d'entre eux et amener 2000 ans de ténèbres sur Terre. Et juste avant ça, c'était X-Mile Deutschland avec le titre Align. C'était enchaîné avec un morceau des métalleuses d'Ishtar et le titre The Enemy Within. Et entre les deux, un extrait de la série culte Daria, histoire de souligner la vacuité commerciale des fêtes de fin d'année. Merry Xmas, mon cul, ouais, Xmas, X-Mile Deutschland. L'allusion est un peu facile, je vous l'accorde, mes petits corbeaux, mais c'est une façon comme une autre pour moi de vous passer ce groupe de nanas de Hambourg, un peu surestimé par les goth old school à mon avis, mais qui demeure un groupe important du post-punk. Et ce titre est un enregistrement d'un concert qui n'était jamais paru sur album à ma connaissance, c'était le titre Allein, qui signifie « seul » en allemand. Seul, comme certains d'entre vous ont passé les fêtes, après tout, qu'ils les choisissent d'ailleurs, pour ne pas se prendre la tête, ou bien qu'ils le subissent, parce que bon, ben, des fois ça arrive. Toujours est-il que les réjouissances familiales ne sont pas forcément si réjouissantes que ça. Mais bon, bien qu'on soit un peu vache avec Noël maintenant qu'on est adulte, ça ne signifie pas pour autant qu'on n'a pas de bons souvenirs d'enfance liés à ce moment de l'année. Et tiens, Nat, tu nous proposes de retomber en enfance, justement. En enfance, oui, certainement, mais pour un côté vampirique avec le groupe Blutengel qui, là aussi, est peut-être parfois un peu surestimé par certaines personnes de la scène goth, par ce côté vampire, beau gosse, de la part du chanteur, qui, c'est vrai, cela joue pas mal, mais ça fait aussi du bien aux yeux pour les nanas, il n'y a pas de raison d'avoir que des métalleuses plantureuses, merde à la fin. Et avec ce morceau Childhood, l'enfance, pour ceux qui n'auraient pas compris dans le texte que l'enfance, c'est parfois sympa, mais c'est parfois pas little boy, I lived in a fairyland. Everything was full of magic, everything was new to me. I found all the love I needed laying in my mother's arms. She protected me from evil. No one ever hurt me there. J'ai 29 ans, bientôt 32. Je suis député. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si il y a du danger, et ben, ouais, ben moi, je suis avec une hyène. Alors là, je sais pas qui c'était, les enculés d'en face, mais... Drag you underground. I'm gonna spill my blood on you, then humiliate your crown. Smear my name on your face. if I was forced to toil again, I'd take that rotten road. Then if I had my knife again, I'd cut another throat. If I was forced to live again, I'd choose another fate. But when I was to choose once more, I did it all again. Torture, tear your skin apart like a matchstick priest. Close me in its humid warmth, its dripping leaves. My love, my rose, my garbage fair, my candy cane, my sweet despair. Oh, life's a game, a force, my child. Laissez-moi me rattraper, Thérèse. Allô, Détresse Amitié, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël, monsieur. Joyeux Noël, je vous appelle parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. Je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, oui. Et comme je suis seul ce soir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, monsieur, c'est une très belle preuve de courage que vous nous donnez là. Et je vous passe la collaboratrice. Joyeux Noël, monsieur. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je ça, te mets... Ça nous intéresse pas, arrêtez ça, arrêtez, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse plus. Thérèse n'est pas moche, c'est qu'elle n'a pas un physique facile. Une par contre qui est particulièrement jolie, c'est la chanteuse de Mon Amour and Esh avec ce morceau Candy Cane. Une jolie damoiselle qui nous fait partager son amour des sucres d'orge, n'y voyez absolument aucun clin d'œil vilain ou quoi que ce soit, c'est Noël. Avec ce morceau qu'on m'a demandé parce qu'on vous l'avait déjà diffusé il y a quelques temps, une auditrice qui a découvert ce groupe et à qui j'espère que Papa Noël a emmené la discographie complète parce qu'elle est tombée en amour en pamoison pour Mon Amour et Esh et ce morceau Candy Cane. Et juste avant Mon Amour, c'était un autre de nos amours, c'était Bernie Noël dans le film d'Albert Dupontel du même nom. Un film qui vous a sans doute beaucoup plu il y a une quinzaine d'années, mes chers amis. Et c'était pour faire un petit clin d'œil à un de nos auditeurs adorés. Il n'est pas ami avec une hyène, mais on l'aime bien quand même. Et d'ailleurs, on l'appelle Bernie, nous aussi. Bienvenue mes petits corbeaux, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes toujours sur Rage, dans Clair Obscur, vous nous écoutez sur le 90.3 ou le 102.5 FM, selon que vous êtes du côté d'Avignon ou du côté de Nîmes ou d'Arles, le canal 8 de la RNT si vous êtes sur Marseille, ou bien encore le player du site www.rage.fr, sans compter les smartphones, sans compter les tam-tams, etc. Ce soir, c'est une playlist spéciale Noël, en un mot ou en 2 mots, c'est vous qui voyez, et votre émission des musiques sombres avec Stéphane et Nathalie. Nathalie, une animatrice blême avec des joues roses qui ont l'air sucrées comme une candy cane. En d'autres termes, c'était un peu une candy lady. Candy Lady, comme vous allez le découvrir à l'instant, avec une poésie de Mathias Malzieu à venir, avec sa compatriote Olivia Ruiz, la douce Candy Lady, petite musique aigre-douce, sortie de l'album La Mécanique du Cœur, que je vous conseille par sa poésie, son côté nostalgie et sa tristesse. Et oui, les gothiques sont aussi des gens tristes, même si c'est Noël, c'est pas grave. Je vous laisse découvrir cette douce demoiselle et Mathias Malzieu avec sa triste poésie, à l'instant, Candy Lady. Oh, my candy lady, your lips is like a bird. How wild is the strawberry that substitutes your tongue? Es la suavidad de tu candy, candy lady, let me lick you forever. Forever, ever and ever, even if I ache my teeth. I will be if I keep you close to me. The broken man like me is not used to be good for making families. Sylvester Stallone. Tenez. Dans le film qui a bouleversé l'Amérique. Ceci est mon corps. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Tenez, ceci est mon sang. Et toi, Judas, tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim. Tu trouves que ce qu'il y a dans ton assiette n'a pas l'air catholique? Pour sauver sa peau, il doit mourir. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, fils de... Fils de pute. Jésus II, le retour. Maintenant, ça va chier. Thank you. Votre attention, les enfants. Nous vous annonçons l'arrivée de l'avion du Père Noël. Soyez sages. Il a un traîneau et il y a des cadeaux dedans. Il est rouge et il a une ceinture noire. Et il a un chapeau rouge. Et la moumoute, eh ben, elle est blanche. Elle a un gros ventre. Je suis le Père Noël de Laponie, Finlande. Je suis le vrai Père Noël. Et moi, j'y crois et j'y crois pas. Parce que mes copines, moi, je les crois pas trop parce qu'elles disent que c'est les parents qui déposent les cadeaux. Mais non, ma chérie, tes copines, c'est des garces. Il existe le Papa Noël, c'est Saint-Nicolas. Il t'amènera la croissance et l'équilibre budgétaire si tu votes pour lui en 2012. Comme disaient tes proches, les enfants sont des cons, ils croient au Père Noël. Les adultes ne sont pas des cons, ils votent. Enfin, en ce qui me concerne, si je me dépêche d'aller m'inscrire sur les listes électorales. À l'instant, c'était le morceau Candy Lady de Dionysos, suivi d'une fausse bande-annonce pour le prochain film de Sly, une parodie des Inconnus en fait. Jésus 2, le retour. Et pour faire bonne mesure, c'était suivi par le titre Ave Maria de Sol Invictus. Sol Invictus, le soleil invaincu, qui est le nom d'un culte oriental qui avait fait un carton dans l'Empire romain il y a 2000 ans, et c'est aussi le nom du projet Dark Folk de Tony Wakeford avec cet extrait de l'album In a Garden Green, Ave Maria. Histoire de dire qu'on n'est pas rancunier avec le christianisme, même si Noël nous gonfle parfois. Et tiens, Ishtar, Sol Invictus, la Sainte Vierge, autant de divinités sacrées, mais c'est avec une autre divinité sacrée que tu nous proposes de continuer, Nat. En effet, on continue avec Agathe Daimon, qui est un groupe de black metal allemand fondé en 1995, mais surtout une divinité gréco-égyptienne protecteur, ça c'est une bonne chose, du vin et de la musique et protecteur des réjouissances. Et pour la petite histoire, histoire que vous puissiez étaler un petit peu votre culture comme de la confiture les soirs du 31 décembre, histoire d'avoir un petit peu des choses à raconter entre le pinard et le foie gras, il faut savoir que l'Agathe Daimon, c'est le concept philosophique du bien-être et des choses bien autour de nous, et le Caco Daimon, qui sont les choses sombres qui nous entourent et qui nous définissent. Voilà, vous pourrez vous la péter un petit peu en pensant à Clair Obscur. Gentle hand in mine, a grace. graceful white body trembles in the cold. Oh, today the forces will align. We'll be right back. Walking in the Air, une reprise d'une chanson d'un compositeur anglais du nom d'Howard Blake, c'était interprété par le groupe finlandais Nightwish. Pour l'anecdote, c'est Tuomas Holopainen qui aimait cette musique qui accompagnait un dessin animé nommé Le Bonhomme de Neige qu'il regardait quand il était petit. Et puis plus tard, en tant que claviériste et compositeur du groupe de métal, il a eu envie d'en faire une reprise, et c'était une excellente idée d'ailleurs, avec la voix splendide de Tarja Turunen. Et en plus, la batterie du Papa Noël, c'est la Finlande, alors ça tombe bien. Et c'était enchaîné juste avant avec un morceau que ramenait Nathalie, Agato Daimon, et le titre Sacred Divinity, donc Agato Daimon. Agato Daimon, dieu protecteur des ivrognes, et Walking in the Air. Résultat d'un nouvel an un petit peu arrosé, avec l'impression de marcher au-dessus de ses pieds. Va savoir, mais on jase les amis, et la fin de l'émission approche, la fin de l'année aussi d'ailleurs. Alors pour nous quitter, on va faire honneur à notre petit coin de Provence. Avignon, c'est notre studio, c'est aussi la capitale du Midi Blanc, hein, le sud royaliste, conservateur, catholique, à l'inverse de Nîmes qui est plutôt rouge et protestante, hein. C'est pas grave, on aime bien nos collègues nîmois quand même. Et pour faire plaisir à une certaine frange de nos compatriotes provençaux Chauvin et Bigot, on va se quitter avec une chanson de l'équivalent masculin de Mireille Mathieu, à savoir l'inénarrable Robert Miras, qui interprète ce titre, Jésus est né en Provence. On zappe l'agenda concert ce soir, chers amis. Profitez bien de la trêve des confiseurs. Soyez prudents sur la route, faites attention, picolez pas trop. Passez un bon réveillon. Bonne année! Entre Avignon et les Saintes-Maries, Jésus est né en Provence. C'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la Il m'a dit, le berger, il m'a dit qu'un olivier avec ses branches lui avait fait comme un tapis. Et puis la brebis blanche qu'il y avait auprès de lui sentait le thym et la lavande des montagnes de mon pays. Peut-être n'est-ce qu'une légende, on blague un peu dans le midi. S'il m'a menti, peu cher, c'était pas malveillance. À vrai dire, dans ce paradis entre le Rhône et la Durance, on pourrait croire que le petit ne pouvait naître qu'en Provence, dans une étable versée Rémy, quand les étoiles se balancent dans notre ciel à la minuit. me connais si bien. Ah, c'est bientôt Noël. Pensez-y, poupée close par pied.